le ciel dans la louange de son peuple. C'est pourquoi tu vas te lever et venir louer l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Jean-Récy Dufaux, le père par excellence. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, ma bénédiction dépend de lui. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, Big Manager. Ma bénédiction dépend de Jésus. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Chaque fois, Dieu te bénisse. Il agira, oh, mon foyer est en Jésus, il agira. Parmi nous, il est.